Bonjour madame. Amel, ton cavalier est là. Rien de cassé? Non. J'ai trop souvent versé des larmes et passé des miens tant que le destin me donne les armes et le courage de me défendre face aux gens qui me condamnent, qui me jugent et qui me blâment. Votre morale ne me fait plus rien. Je me sens belle, je me sens bien. Je veux crier ma joie de vivre dans la robe. Je ne suis plus celle qui pour un rien perd toute confiance en elle. Oui, tout ça c'est loin. Je vous cache pas, mademoiselle Ben, qu'il va y avoir beaucoup de travail. Ça va vous coûter très cher. J'ai trop souvent passé des heures à me chercher dans le miroir. Mais le reflet de ma douleur venait trahir mon regard. J'aurais voulu être idéal. C'est de ceux qui me font mal, mais leur moral ne fait plus rien. Je me sens belle, je me sens bien. Je me sens libérée de tous leurs préjugés. J'ai cassé mes chaînes et je reste fidèle à tout ce que je suis.